waaye bi nag benn boy town loon quoi abou tudd doon Modou. Modou nag mi ngi dëkkoon downtown xam nga, waaye Modou nag copain yëpp dañ demoon kaaw xam nga, waaye booba mi ngi woon Genève, Wëz mi ngi woon états unis xam nga, laay mi ngi woon Paris. Affaire bu nag dakk métti woon quoi, parce que copain bi bu daan ñëw affaire yooyu vacances dañ doon gondi daal xam nga, xale yi teg lañ ko affaire yooyu, waaye ñu dem ba jeex. Bon saaye nag affaire bi dakk métti woon tellement même waa Gallem se poser des questions quoi, doon ko wax mais yow Modou lan la xam nga, dundal liggéeyal affaire yooyu mu na ko xoolal, waaye man jobuma, man si kaw laay joobee quoi xam nga, nu mën demee nag damay yéeg léegi baaleen ma quoi, baaleen ma mam kaañ soog a yéeg. Ñu ne ko waaw d' accord, waaye Modou nag pour fàtte affaire yëpp des fois duñ génn di baali. Samedi jot nag Modou dam baali tout ça xam nga ak copinam, waaye dam baali nice. Modou ñëw sonn dafa teg boppam si njeganaay bi rek saay départ, mais gis ngeen bi mu tegee boppam si njeganaay bi ah, waaye saa waay commencé gént quoi xam nga, nekk si Champs Élysées di doxantu xam nga, sol mantoom tranquille xam nga, di bay waaram toog ba si yàgg téléporté wu xam nga, dem Genève affaire yooyu plané ak gaam yi waa. Mais fi mu gën a neexee nag, fi mu gën a neexee waaye yow, mais gis nga Modou bi mu jógee Genève xam ngeen fu mu dam, waaye dafa dam états unis di waxtaan ak Jay-Z, waxtaan ak Aiken, nekk xoolal Aiken jox ma si kaañ bi, mais affaire bi neex quoi xam la. Waaye Modou nag li muy nekk si gént yëpp nag Modou yaakaar ne mi ngi si réalité, toog ba si yàgg rek papp ji ñëw quoi fëgg néegam ne ko Modou yow jugal waay yaa ngi nelaw ba léegi. Waaye rek Modou gaen ubbi bëtam bi quoi revenir à réalité ne waaye pa yaa ngi may reflé, waaye pa bul ma reflété waaye li mooy lan pa, maa ngi woon si kaw quoi xam nga, waaye pa baaleel ni ngeen nekkee waaye